crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de 30 ans que je redoute ce moment. La pierre tombale, Marcus. Zoomez sur l'inscription. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la mère de Nola est morte en 1969, soit 6 ans avant la disparition de sa fille. Je suis vraiment désolé, monsieur Goldman. J'étais certaine que vous saviez que sa mère était morte depuis longtemps. Vous pensez que Nola a été battue par son père ? C'est ce qu'il se disait, en tout cas. À l'école, on voyait toutes les marques sur son corps. Mais qui allait s'élever contre le révérend ? On se serait trompé de coupable ? Si c'est le cas, c'est une catastrophe. Nous l'avons exorcisé. Quoi ? Et ça ne s'est pas bien passé. De quoi parlez-vous ? La petite. La petite Nola. Nous l'avons exorcisée. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. Dixième épisode. Harry restait introuvable. Le 10 novembre 2008, alors que Marcus était rentré à New York pour les élections présidentielles qui venaient d'être remportées par Barack Obama, il fut réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone. Allô ? L'écrivain ? Gallowood à l'appareil. Sergent ? Où êtes-vous ? Je suis dans mon lit, là, à New York. Qu'est-ce qui se passe ? L'incendiaire de la maison de Harry. Nous l'avons arrêté cette nuit. Et nous tenons peut-être là le véritable assassin de Nola. Quoi ? Vous êtes assis ? Je vais même coucher. Tant mieux, parce que ça va vous faire un choc. Robert Quinn, le père de Jenny. On a retrouvé ses empreintes sur le bidon d'essence. Robert Quinn, mais pourquoi ? Si je le savais. Il n'a pas ouvert la bouche et refuse de parler. Nous l'avons arrêté cette nuit parce qu'il conduisait un peu trop vite. Comme il avait un drôle de comportement, l'officier l'a fait sortir de sa voiture. Et là, il a remarqué ses mains sales, ses chaussures couvertes de boue et son pantalon trempé. Mais c'est seulement un peu plus tard qu'il a compris, quand il a identifié ses empreintes digitales. C'est dingue, cette histoire. Dans la matinée, Marcus prit un avion pour le New Hampshire. Comme un indice supplémentaire, le sergent Gallowood avait trouvé dans un album de famille une photo de Robert Quinn posant à côté d'une Chevrolet Monte Carlo noire. Au dos, il était écrit « Aurora, août 1975 ». Jenny, sa fille, expliqua au policier que son père avait demandé à des concessionnaires d'essayer plusieurs modèles avant de décider quel serait son prochain véhicule. Il pouvait donc parfaitement être celui qui avait pris la fuite le 30 août 1975 au volant d'une telle voiture. Le lendemain, alors que son chef le sommait d'abandonner cette énième piste, le sergent Gallowood, convaincu de tenir le véritable coupable, fit venir des plongeurs pour explorer le lac où Robert Quinn semblait s'être rendu avant son interpellation. Au bout de quelques heures, les plongeurs découvrirent dans la vase un Colt 38 et un collier en or avec le prénom Nola écrit dessus. Robert Quinn avoua rapidement. Mais le 11 novembre 2008, alors que j'étais dans son bureau, je remarquai que Perry Gallowood avait l'air songeur. On dirait que quelque chose vous ennuie, sergent. Il étudiait la photo de Quinn près de la Chevrolet. Je sais pas, les aveux, la photo, le Colt. Ça me semble presque trop facile. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez trouvé quelque chose ? Les journaux, là. Regardez la une. Nixon démissionne. Et Nixon a démissionné en 74. La photo peut pas dater d'août 75. Ce qui veut dire ? Que Quinn nous raconte n'importe quoi. Il n'a tué personne. Qui donc avait pu inscrire une date erronée au dos de l'image ? Nous devions aller poser la question à Robert Quinn, dans sa cellule. Qui est-ce que vous protégez, Quinn ? Vous n'avez pas essayé une Chevrolet Monte Carlo noire en août 75 et l'année d'avant ? Vous protégez quelqu'un, et je veux savoir qui. Votre femme ? Votre fille ? Jenny. Je protège Jenny. Jenny ? C'est votre fille ? Oh putain. Marcus, venez avec moi. Vous appelez qui ? Travis Down. Je l'ai eu tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il prévienne sa femme. Si elle sait que son père a avoué, elle va paniquer et se tirer d'ici. Antenne de police d'Aurora. Oui, bonjour. Ici le sergent Gallowood, police d'État du New Hampshire. Je dois immédiatement parler au chef Dawn. Le chef Dawn ? Appelez-le sur son portable, il n'est pas de service aujourd'hui. Mais comment ça ? Je l'ai eu tout à l'heure, il m'a dit qu'il était sur un accident de la route. Impossible, sergent. Je vous le répète, il n'est pas de service aujourd'hui. Oh, merde. Bon, merci, au revoir. Le sergent lança aussitôt une alerte générale. Travis et Jenny Dawn furent arrêtés quelques heures plus tard à l'aéroport de Boston, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer sur un vol à destination de Caracas. Le jeudi 18 décembre 2008, un mois après la découverte de la vérité, je vis Harry pour la dernière fois. J'avais demandé à mon éditeur de retirer mon livre des rayons et j'avais commencé à en écrire un autre. J'étais chez moi lorsqu'il sonna à la porte. Bonsoir, Marcus. Je pensais que vous étiez mort. Oh, je ne suis plus qu'un fantôme. Vous voulez un café ? Ah, je veux bien. Vous êtes seul ? Oui. Faut plus être seul. La chambre d'amis est prête pour vous, depuis plusieurs semaines. Vous saviez que je viendrais, hein ? Oui. Merci de votre hospitalité, Marcus. Mais je ne resterai pas. Pourquoi vous êtes venu alors ? Pour vous dire adieu. Si vous partez, je n'aurai plus d'amis. Il ne faut pas dire ça. Plus qu'un ami, je vous ai aimé comme un fils. Je vous ai aimé comme un père, Harry. Malgré la vérité ? La vérité ne change rien à ce qu'on éprouve pour les amis. C'est le grand drame des sentiments. Vous avez raison, Marcus. Alors vous savez tout, hein ? Oui. Comment avez-vous su ? J'ai fini par comprendre. Vous étiez le seul à pouvoir me démasquer. Comment avez-vous pu en arriver là, Harry ? Je ne sais pas. J'ai les vidéos des interrogatoires de Travis et Jenny Dawn. Vous voulez les voir ? Oui, je veux bien. Voilà d'abord un extrait de l'interrogatoire de Jenny. Madame Dawn, depuis combien de temps saviez-vous ? Je me suis jamais douté de rien. Jusqu'au jour où on a retrouvé le corps d'Anola. En rentrant chez nous, j'ai entendu des éclats de voix. Je me suis approchée sans faire de bruit. C'était Travis en train de se disputer avec le chef Pratt. M'ont pas vu. Dès que Pratt est parti, j'ai demandé à Travis de me dire ce qui se passait. C'est là qu'il m'a tout raconté. Il m'a montré le collier. Il m'a dit qu'il l'avait gardé pour jamais oublier ce qu'il avait fait. Quand Marcus Goldman a commencé à mettre son nez dans cette affaire, j'ai essayé de l'en dissuader. Je lui ai envoyé des messages. J'ai mis le feu à la corvette de Harry. Mon père m'a surprise. J'ai supplié de rester en dehors de cette affaire et puis... La pression est montée du côté de Pratt. On a senti qu'il était sur le point de craquer. Il fallait se débarrasser de lui et récupérer l'arme. Il avait gardé l'arme ? Oui. C'était son arme de service. Depuis toujours. Maintenant, l'interrogatoire de Travis. Ce que j'ai fait, je me le pardonnerai jamais. Ça fait 33 ans que ça me hante. Et ce qui m'échappe, c'est que vous êtes flic et que vous avez gardé le collier. C'est une preuve accablante. Je pouvais pas m'en débarrasser. C'était ma punition. Chaque jour, je m'enfermais quelque part pour le regarder. Et Pratt, alors ? Il était terrorisé, il voulait tout raconter. J'ai essayé de le raisonner, il aurait voulu savoir. Alors j'ai attendu qu'il me tourne le dos et je l'ai tué. D'un coup de matraque. Et puis j'ai récupéré son colt et je suis parti. Un coup de matraque. Comme pour Nola. Oui. Même arme. Oui, c'est ma matraque de service. C'est ce qu'on avait décidé à l'époque avec Pratt. Il disait que le meilleur moyen de cacher les armes du crime, c'est de les laisser au vu de tous. Et le colt et la matraque qu'on portait à la ceinture en recherchant Nola, c'était les armes du crime. Alors quand Jenny m'a mis la pression, j'ai accepté que son père se charge de les faire disparaître. Avec le collier. Mais quand il a été arrêté, j'ai compris que c'était cuit. Qu'il fallait gagner du temps. Et c'est moi qui ai inscrit la date toute 75 au dos de la photo de Robert avec la Monte Carlo noire. Chef Dorn, il est temps de nous dire ce qui s'est vraiment passé. Le 30 août 1975. Arrêtez! Arrêtez, Marcus, je vous en supplie, je ne supporterai pas l'avoir plus. Je suis désolé, Harry. Comment avez-vous compris? Compris quoi? Que vous n'aviez pas écrit les origines du mal? C'était un peu après l'arrestation de Travis Dawn. J'ai reçu un appel d'Elias Stern qui voulait absolument me voir. Il m'a tout raconté à propos de sa relation avec Luther. Quand il était jeune, il avait inventé avec quelques copains le jeu du field goal, qui consistait à taper dans la tête des victimes comme dans un ballon de football. Un jour de 1964, ils étaient très alcoolisés et ce petit jeu a été très loin. C'est Luther qui en a fait les frais. Il était défiguré. Il avait du mal à parler. Stern voulait réparer son crime et quand il a enfin retrouvé Luther, il l'a pris sous son aile. Le 29 août 1975, ils se sont disputés à propos de Nola. Il s'est mis à crier et Luther a brusquement reconnu son agresseur. Il s'est enfui avec une Chevrolet de la compagnie. Stern a toujours été persuadé qu'il était coupable. Après m'avoir raconté tout ça, il m'a montré un carton à chaussures qui contenait des lettres de Nola, une photo de Mouette et une autre de vous deux pendant votre pique-nique à Rockland. Lorsque j'ai vu ces lettres, tout s'est bousculé dans ma tête. J'ai réalisé ce que je n'avais pas vu depuis tout ce temps. Il n'y a pas de Mouette dans les origines du mal. Vous aviez pourtant juré à Nola de mettre des Mouettes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vous n'aviez pas écrit ce livre. Mon intuition a été confirmée quand j'ai demandé à Galahoud de comparer l'écriture des lettres reçues par Nola et celle du message inscrit sur le manuscrit retrouvé avec elle. Les résultats correspondaient. Ce n'était pas votre écriture. Vous n'aviez pas écrit le livre qui a fait de vous un écrivain célèbre. Vous l'aviez volé à Luther. Taisez-vous, Marcus. Pourquoi je me trompe? Vous avez volé un livre. Quel plus grand crime peut commettre un écrivain? Voilà pourquoi vous avez intitulé ce livre « Les origines du mal ». Vous me l'aviez toujours dit. Le livre n'est pas un rapport aux mots, mais un rapport aux gens. Celui-ci est l'origine du mal qui vous a rongé depuis. Le mal des remords et de l'imposture. Arrêtez, Marcus! Taisez-vous maintenant! Un jour, Nola a déposé une enveloppe contre la porte de votre maison. Une enveloppe contenant des photos et une lettre écrite sur son papier préféré. Cette lettre ne vous est jamais parvenue parce que Luther, qui vous espionnait, s'en est emparé aussitôt. C'est comme ça qu'il s'est mis à correspondre avec elle. Il a répondu en se faisant passer pour vous. Elle pensait vous écrire, mais il interceptait tous ses courriers. Voilà pourquoi il rôdait autour de votre maison. Et c'est cette correspondance qui est devenue les origines du mal. Comment avez-vous pu? Je paniquais, Marcus. J'avais tellement de mal à écrire. J'écrivais les boîtes d'Aurora, mais je trouvais ça terriblement mauvais. Un jour, Luther est venu me trouver pour me montrer son livre. Il pensait que je pourrais l'aider. C'est simple. C'était le plus beau livre que j'avais jamais lu. Je ne l'ai ensuite jamais revu. Quand j'ai appris qu'il s'était tué sur la route, j'ai décidé de reprendre le texte à mon compte. Et 33 ans plus tard, la police a retrouvé Nola et ce manuscrit dans mon jardin. J'ai eu tellement peur que j'ai dit que je l'avais écrit pour elle. Mais je n'ai pas compris d'où sortait l'exemplaire que Nola avait avec elle. Luther sait que vous allez partir. Il vous a entendu en parler sur la plage. Le 30 août, à l'aube, il lui a déposé une dernière lettre avec le manuscrit. Comme il ne la verra plus jamais, il écrit sur la couverture « Adieu, Nola chérie ». Nola croit que c'est vous qui lui avez écrit. Elle décompense. Elle devient comme folle. Racontez-moi, Marcus. Je veux que ce soit vos mots. Racontez-moi ce qui s'est passé ce 30 août 1975. Un jour de la fin août 1975, une fille de 15 ans a été assassinée à Aurora. Elle s'appelait Nola Kellerghan. Elle était débordante de vie et de rêves. Mais c'est difficile de limiter les causes de sa mort aux événements du 30 août 1975. Au fond, tout commence des années plus tôt. Dans le courant des années 60, lorsque des parents ne voient pas la maladie qui s'installe chez leur enfant, une nuit de 1964 peut-être, lorsqu'un jeune homme se fait défigurer par une bande de voyous éméchés et que l'un d'entre eux, pétri de remords, s'efforce de se racheter une conscience en se rapprochant secrètement de sa victime. Ou cette nuit de 1969, lorsqu'un père décide de taire le secret de sa fille. Ou peut-être que tout commence un après-midi de juin 75, lorsque Harry Kéber rencontre Nola Kellerghan et qu'il tombe amoureux. Le 30 août 1975, au petit matin, une voiture se gare devant la maison des Kellerghan. Luther vient dire adieu à Nola. Il sait qu'elle a prévu de s'enfuir avec Harry ce jour-là. Lui aussi veut quitter le New Hampshire, partir loin de Stern. Ses pensées se mélangent. L'homme qui lui a redonné goût à l'existence est aussi celui qui l'a lui a volé. C'est un cauchemar. Il s'est empressé de terminer son livre, on a même soumis l'original à Harry Kéber. Il voulait savoir si cela valait la peine de le faire éditer. Mais plus rien ne vaut la peine désormais. Il a même renoncé à récupérer son texte. Il en a conservé une copie dactylographiée pour Nola. Sur la couverture, pour lui souhaiter bon voyage, il écrit « Adieu, Nola chérie ». Ce samedi 30 août, il le dépose dans la boîte aux lettres des Kellerghan avec un dernier billet. Vers 11h, Nola sort enfin de chez elle. Elle est rayonnante. Elle se précipite vers la boîte aux lettres, sourit en voyant l'enveloppe et le paquet. Elle se dépêche de lire la lettre et soudain vacille. Elle s'enfuit dans la maison en pleurs. Pourquoi ? Ils ne partiront pas ensemble. Harry ne l'attendra pas au motel. Elle s'effondre sur son lit, emportée par le chagrin. Elle veut mourir tant elle a mal. Son père vient la consoler, mais Nola a une crise très violente. Alors le révérend se précipite dans le garage et met de la musique, montant le volume au maximum. Pendant ce temps, Luther n'a pas bougé. Il attend jusqu'à 18h. Il veut la voir, lui dire qu'il ne faut pas pleurer. C'est alors qu'il la voit apparaître dans le jardin. Elle est sortie par la fenêtre. Tout de suite, emmenez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est moi qui vous ai écrit toutes ces lettres. Dans la voiture, Luther avoue à Nola qu'il est l'auteur des lettres. Vous êtes toujours humaine. Soulagée, elle en déduit alors que Harry l'attend. Mais alors, Harry m'aime encore? C'est merveilleux. Roulez, roulez, Luther. Il ne remarque pas la voiture de police qui arrive au carrefour. Travis Dawn est au volant. Il a reconnu Luther et a bien l'intention de comprendre pourquoi il passe tant de temps à Aurora. Roulez plus vite. Roulez plus vite, Luther. Nola demande à Luther d'accélérer. La voiture s'enfonce dans les fourrés à la lisière de la forêt et s'immobilise. Nola et Luther commencent à courir. Deborah Cooper, à la fenêtre de sa cuisine, voit une jeune fille poursuivie par un homme et elle appelle la police. Nola et Luther s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Partez devant. Et quand ils entendent des éclats de voix, Luther dit à Nola de s'enfuir. Partez. Il attendra la police pour qu'elle ait le temps de parvenir jusqu'au motel. Merci, Luther. Garrett Pratt et Travis Dawn, quand ils aperçoivent Luther, se jettent sur lui et lui demandent où est Nola. Comme il ne répond pas, il le roue de coups. Nola, entendant des cris, revient sur ses pas. Quand elle surgit d'entre les fourrés, Luther est étendu, mort. Comprenant qu'ils l'ont tué, elle s'enfuit à toutes jambes et apercevant la maison de Deborah Cooper, se précipite vers la porte de la cuisine. Les policiers arrivent tandis que la vieille femme vient de rappeler la police. Nola a le temps de lui dire qu'ils viennent de tuer Luther, mais un coup de feu retentit. Deborah s'écroule. Le chef Pratt l'a battu avec son arme de service. Nola tente de s'enfuir, mais elle n'en a pas le temps. Travis lui assène un coup de matraque qui vient frapper l'arrière de son crâne. Il recule épouvanté. Elle est morte. Les deux hommes terrifiés réussissent tout de même à se débarrasser méthodiquement des corps. Pratt appelle la centrale pour annoncer qu'il vient de trouver Deborah Cooper assassinée par balle. Dans la nuit, sachant Harry absent, ils enterrent Nola dans son jardin, à 20 mètres de la maison. Enfin, le lendemain matin, Travis met le cadavre de Luther dans le coffre de la Chevrolet et roule jusqu'à la petite ville côtière de Sagamore. Là, il installe le corps côté conducteur, met la voiture au point mort et la pousse. Elle disparaît dans le vide. Ensemble, ils conviennent que cette affaire doit rester non élucidée. Travis met la main dans sa poche et serre le collier qu'il a secrètement arraché du cou de la jeune fille au moment de l'enterrer. Un collier en or, avec le prénom de Nola inscrit dessus. Alors, ils ont tué Nola, Luther et Deborah Cooper. Oui. Et ils se sont arrangés pour que l'enquête n'aboutisse jamais. Harry, vous saviez que Nola avait des épisodes psychotiques, n'est-ce pas ? Oui. Je devais emmener Nola loin d'Aurora pour la faire soigner. C'était devenu pour moi la raison de notre départ. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Je voulais le faire. Et puis il y a eu ces fuites à propos de votre livre. Je regrette, Marcus, je regrette tout. Finissez votre livre, racontez la vérité au monde entier. La vérité nous délivrera tous. Écrivez la vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est la dernière chose que je vous demande. Vous partez, Harry ? Il le faut. Je ne veux pas vous perdre. Au revoir, Marcus. Où allez-vous ? Je dois aller attendre Nola quelque part. Ce fut la dernière fois que je vis mon maître et ami, Harry Kébert. D'un an plus tard, le 17 octobre 2009, Marcus Goldman est assis sur la plage de Goose Cove, face à l'océan, avec le sergent Gallowood. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de reconstruire cette maison et d'en faire une résidence pour jeunes écrivains ? Une idée comme ça. La maison Harry Kébert pour les écrivains. Oh, ça en jette, moi, je trouve. Et vous rentrez quand à New York ? Demain. Si vous revenez par ici, n'hésitez pas à passer dire bonjour. Enfin, ça fera surtout plaisir à ma femme. J'y manquerai pas, sergent. Et votre nouveau manuscrit ? Il paraît que vous l'avez terminé ? C'est vrai. Vous êtes dedans, d'ailleurs. Vraiment ? Je pourrais y jeter un œil ? Même pas en rêve. Vous êtes terrible, écrivain. Et le titre ? J'ai le droit de le connaître ? La vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Thierry Bosque, Carole Franck, Marc Barbet, Sébastien Faglin, Florent Houlier, Joanna Nizar. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.